بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحن في تفسير كتاب الله تعالى ونواصل اليوم في تفسير سورة الفجر. On continue aujourd'hui donc l'exégèse de سورة الفجر. وقد رأينا فيما مضى ما فعله عاد وثمود وكيف كفروا فعذبهم الله تعالى. Nous avons vu lors des cours précédents ce qu'ont fait Ad, le peuple de Ad ainsi que Thamud, comment ils ont mécru et le fait que Allah tabaraka wa ta'ala les a châtiés. Ensuite Allah ta'ala il dit wa fir'aun dhil autad, et Pharaon, le possesseur des piques, Pharaon, celui qui avait les piquets. Pharaon كان حاكم مصر كما مر معنا وفي تلكم الأزمنة كل من كان يحكم مصر كان يسمى فرعون. Et donc Pharaon c'était lui qui gouvernait l'Égypte, comme on a vu précédemment. Et durant cette époque, à cette époque, toute personne qui gouvernait l'Égypte était appelée Pharaon. وكان رجلا ظالما متكبرا. وقد ذكر الله عنه أنه قال أنا ربكم الأعلى. Et cet homme Pharaon, il était injuste, comme cela est connu, orgueilleux. Et Allah a cité de lui qu'il a dit je suis votre Seigneur le plus haut. ومن شدة طغيانه وظلمه أنه دعا الناس إلى عبادة نفسه. Et parmi les éléments qui montrent sa forte transgression et son injustice profonde, le fait qu'il appelait les gens à l'adorer lui-même, il disait ما علمت لكم من إله غيري, je ne connais pour vous aucune divinité en dehors de moi. C'était sa parole. فَغْتَرَّ بِمُلْكِهِ. Et Pharaon, il fut trompé par sa richesse, par son royaume. Allah Ta'ala qui dit وَنَادَ فِرَعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرِ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. Et Pharaon appela parmi son peuple et dit ô mon peuple, ne voyez-vous pas, ô mon peuple, la royauté d'Égypte ne m'appartient-elle pas, et ces ruisseaux qui coulent sous mes pieds, ne voyez-vous donc pas, ne suis-je pas mieux, ou alors celui-ci qui est misérable et qui sait à peine s'exprimer. فما أكثر الذين يغترون بأموالهم وقوتهم. Comme sont nombreux ceux qui se trompent, ceux qui sont leurrés par leur argent et leur force. فانظروا إلى فرعون اغتر بغناه وظن أن عدم الفصاحة دليل على أن صاحبه ليس على الحق. Regardez donc et méditez sur la situation de Pharaon. Il fut leurré par sa richesse et à penser que le manque ou l'absence d'éloquence est une preuve qui montre que la personne n'est pas sur la vérité. Et comme sont nombreux ceux qui suivent cette voie à notre époque, et cela ne se passe pas comme tel. La vérité est connue par sa preuve. La vérité n'est pas connue par l'éloquence. Wa wasafa Allahu Fir'aun fi hadhihi as-surah bi annahu dhul autad. Et donc Allah Ta'ala a décrit Fir'aun dans cette sourate comme étant dhul autad, comme on a dit précédemment, celui qui allait piquer. Wal watad هو الذي تربط به حبال الخيمة لتثبت. Et donc ce qu'on appelle el-wated, le piquet, C'est l'instrument qu'on va utiliser justement pour, donc, sur lequel on va attacher les câbles de la tente, afin que la tente puisse rester ferme. فقالت العلماء إن المراد هنا بالأوتاد هو الجنود جنوده. Et donc les savants, ils ont dit que ce qui est voulu ici par les piquets, c'est l'armée, ce sont les armées de Pharaon. فجنود فرعون كانت عظيمة. Et donc les armées de Pharaon, elles étaient très puissantes. تثبته وتقويه كما أن الأوتاد تثبت وتقوي الخيمة. Et donc ces armées le renforçaient de la même façon que les piquets vont renforcer la tente. وتأملوا في قوة هذا الرجل وجنوده وظلمه للناس من قتل الأولاد واستحياء النساء واستحياء البنات. Méditez donc sur la puissance qu'avait cet homme, ses armées, son injustice envers les gens, le fait qu'il tuait les enfants, qu'il tuait les petits garçons et laissait en vie les petites filles. فَأَهْلَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et malgré cela, Allah Ta'ala l'a donc détruit. وَجَعَلَ مَوْتَهُ عِبْرَةً لِلنَّاسِ. Et Allah a fait que sa mort, la mort de Pharaon, fut un exemple pour les gens. فَلَيْتَ الظَّلَمَ تَتَأَمَّلُوا فِي قِصَّةِ فِرْعَوْنِ. Si seulement les injustes méditaient sur l'histoire de Pharaon. Qui es-tu? Quelle puissance est-ce que tu as toi aujourd'hui? Ne penses-tu pas que Allah Ta'ala peut te châtier? Il a châtié bien plus puissant que toi. Médite et délaisse les injustices. فَالْمَرْءُ الْآنِ قد يغتر بمكانته عند الناس فيظلمهم ويهينهم. L'individu aujourd'hui, il peut être leurré par le rang qu'il a auprès des gens. Il va donc leur faire des injustices, les rabaisser. الا ينظر الى فرعون كيف اهين بظلمه. Ne médite-t-il pas sur Pharaon comment celui-ci fut rabaissé, humilié à cause de son injustice? ثم قال تعالى. Ensuite Allah Ta'ala, il dit après cela: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Ceux qui ont transgressé dans les pays et qui ont commis beaucoup de corruption, beaucoup de désordre, alors ton Seigneur a déversé sur eux le fouet du châtiment. Certes, ton Seigneur est aux aguets. Alladhina taghaw fil bilad, ceux qui ont transgressé dans les pays. Al muradu huna huwa 'ad wa Thamud wa Fir'aun. Ce qui est voulu ici, c'est tous ceux qui ont été cités précédemment, 'Ad, Thamud ainsi que Fir'aun. Et bien entendu, ceci est une menace pour tous ceux qui viennent après eux. Tous ceux, tous les injustes qui viennent après eux et qui sèment le désordre sur terre. Car ces gens-là ont dépassé les limites par leurs injustices. Ils ont donc accompli beaucoup de corruption, beaucoup de désordre. Et donc beaucoup de corruption, beaucoup de désordre concernant le droit d'Allah. Concernant le droit des créatures, des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fasa'au fi muharabati ar-rusul wa saddi an-nas 'an sabilillah. Et donc ces gens se sont efforcés dans le fait de combattre les messagers et d'éloigner les gens de la voie d'Allah. Et la yata'ammalu ha'ula alladhina yasuddun an-nas 'an al-islam wa yakdhibun 'ala rasulillah. ألا يتأملون فيما وقع على هؤلاء الأقوام. Ceux qui éloignent les gens, qui cherchent à éloigner les gens de l'islam et qui vont mentir sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne méditent-ils pas sur ce qui est arrivé à ces peuples précédents? Ne méditez-vous donc pas? Allah Ta'ala qui dit Fasabba alayhim rabbuka sawta adhab. Alors ton Seigneur a déversé sur eux le fouet du châtiment. فالله تبارك وتعالى صب عليهم هذا العذاب فالعذاب جاء من عند الله. Donc le châtiment, il est venu d'Allah. ومعلوم أن الصب من الأعلى إلى الأدنى. Et certes, il est connu que le fait de déverser, ça montre le fait que cette chose qui a déversé vient de haut. فالله تبارك وتعالى صب عليهم عذابه. Et donc Allah a déversé sur eux son châtiment. فأهلكهم. Il les a donc détruits. Ensuite Allah Ta'ala qui dit إن ربك لبالمرصاد. Certes ton Seigneur est aux aguets. فهو يسمع ويرى ما يفعل ويقول عباده يعلم سرهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. Et donc, il est aux aguets, c'est-à-dire que Allah Ta'ala, il entend. Et il voit parfaitement ce que font et ce que disent ses serviteurs. Il connaît parfaitement ce qu'ils cachent et ce qu'ils montrent publiquement. فَيُرْسِدُهُمْ أَيْ أَنَّهُ يُجَازِيهِمْ عَلَى حَزْبِ أَعْمَلِهِمْ. Et donc, Allah est aux aguets avec eux, c'est-à-dire qu'il va les châtier, il va donc les rétribuer en fonction de leurs actes. فَيُعَذِّبُ الظَّلَمَةَ dunya qabla al-akhirah. Et que Allah Ta'ala châtiera les injustes ici-bas avant l'au-delà. Ensuite Allah Ta'ala il dit fa amma al-insan idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. En ce qui concerne l'être humain, lorsque son Seigneur l'éprouve et l'honore et lui accorde de ses bienfaits, alors il dit « Certes, mon Seigneur m'a honoré. » Mais lorsque celui-ci l'éprouve et restreint sa subsistance, alors il dit « Mon Seigneur m'a avili. » « فَالنَّاسُ يُبْتَلَوْنَ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ لَا بِالشَّرِّ فَقَطْ. » Et donc les gens, ils sont éprouvés par le bien et par le mal. Pas seulement par le mal, comme on l'a dit précédemment. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit « وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً » Et nous vous éprouvons par le mal et le bien. « فَيُبْتَلَ الْإِنسَانُ بِالْخَيْرِ أَيَشْكُرُوا أَمْ يَكْفُرُ » Et donc l'être humain sera éprouvé par le bien. Est-ce qu'il est reconnaissant ou ingrat ?« وَيُبْتَلَ بِشَرِّ » Il sera éprouvé par le mal. Est-ce qu'il va patienter ou pas? Et beaucoup de personnes pensent que les bienfaits que Allah leur a accordés sont une preuve que Allah les a honorés, les a élevés, et une preuve du fait qu'ils sont proches de lui. Et donc l'un d'entre eux va dire, certes, mon Seigneur m'a honoré. Kama sami'tuhu min rajulin nasraniyin yuridu an yubayyin lin-nas anna dinahu huwa dinul haqq wa laysa biqadirin ala dhalik. Comme je l'ai entendu de mes propres oreilles d'un homme chrétien qui voulait montrer aux gens que sa religion est la religion de vérité. Et certes, il n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable de montrer aux gens que sa religion, c'est la religion de vérité. Il a donc essayé d'argumenter. Il a donc dit d'un groupe de jeunes qui avaient décidé de suivre la religion chrétienne. Il a dit d'eux. Il a dit d'eux, et donc ces gens-là, après qu'ils aient décidé de suivre la religion chrétienne, ils ont donc obtenu des postes nobles, donc de hautes fonctions, ainsi, et aussi ils ont donc bénéficié de grands nombres, de grandes formes de subsistance. Ka'anna hadha huwa dalilun ala qurbihim min rabbihim. Comme si ceci est une preuve du fait qu'ils sont proches de leur Seigneur et qu'ils sont sur la vérité. والعجيب أن المتأمل في قصة عيسى والحواريين في كتاب النصارى يجد أنهم كانوا فقراء فأين العقول. Et ce qui est surprenant, c'est que toute personne qui médite sur l'histoire de Isa, de Jésus et des apôtres dans le livre des chrétiens, dans la Bible, il verra que toute personne qui fait cela verra qu'en fait, Jésus et les apôtres sont décrits dans la Bible comme étant des gens pauvres, comme étant des gens pauvres. Où sont donc les raisons? Où sont donc les raisons? Où sont passées vos raisons? ويظن الناس أن الفقر دليل على عدم القرب من الله. Et donc, il se peut que, et beaucoup de personnes pensent que la pauvreté est un signe de l'éloignement d'Allah. Le fait que la personne n'est pas proche d'Allah. C'est pour ça qu'elle est pauvre. وقد يصف المرء ربه بالظلم فيقول ربي أهانن. Il se peut que l'individu décrive son Seigneur par l'injustice. Il dira, certes, mon Seigneur m'a avili. Ceci est une injustice. Faradallahu alayhim wa ala hada al-i'tiqad. Et donc Allah a répliqué sur eux et a répliqué à cette croyance en disant qu'elle l'est. Mais non. Ay laysa al-amru kadhalik, ce n'est pas comme tel. Laysa al-qurbu min Allah wal-bu'du minhu muta'alliqayn bis-si'ati fi ar-rizqi aw ad-dhiqi fihi. Certes, le fait d'être proche d'Allah ou d'être loin de lui, ces deux éléments ne sont pas liés à la richesse dans la subsistance ou le fait d'avoir une subsistance restreinte. Qala Ibn Kathir rahimahullah, fa inna Allah ta'ala yu'ti al-mala man yuhib wa man la yuhib wa yudayyiku 'ala man yuhib wa man la yuhib. فإن المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين إذا كان غنيا بأن يشكر الله تعالى على ذلك وإذا كان فقيرا بأن يصبر. Ibn Kathir رحمه الله, il dit dans son tafsir, il dit certes Allah Ta'ala, il accorde les biens à ceux qui l'aiment et à ceux qui ne l'aiment pas. Il accorde l'argent à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Et restreint cela à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Ce qui compte dans tout cela, dans ces deux cas, le fait que Allah t'accorde ou que Allah ne t'accorde pas, ce qui compte dans tout cela, c'est l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala dans les deux cas. Si tu es riche dans le fait que tu remercies Allah ta'ala, que tu remercies Allah ta'ala dans ce qu'il t'a accordé, et si tu es pauvre, dans le fait que tu patientes. Voilà, et donc nous sommes tous éprouvés, ô chers frères et sœurs. Certains sont éprouvés par la richesse, et d'autres sont éprouvés par la pauvreté. On va finir, inshallah ta'ala, l'exégèse de cette sourate la semaine prochaine. Bi'idnillahi ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وجزاكم الله خيراً.